Ninjago se tenait enfin au pied de la porte céleste. Il savait que ce pourquoi il s'était préparé une vie durant allait connaître son aboutissement, le combat ultime contre le dernier des guerriers. Quel formidable combattant allait-il surgir de cette porte? Hein? Obélix? Ils sont fous, ce ninja! Ya! Bonjour, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, on va se dupliquer. Alors, bienvenue dans l'Inner World. Jouer plusieurs personnages, une vidéo outsider. Salut, ouais, voilà. Donc, comme je disais, on va voir un peu comment on peut faire pour jouer plusieurs personnages à la fois dans une partie de jeu de rôle. Mais déjà, je dois quand même parler des gens qui trouvent que c'est pas cool de jouer plusieurs personnages. Parce qu'en fait, on va se dire que c'est pas du JDR si on a plusieurs persos. Parce que un seul perso, en fait, c'est plus d'identification, plus d'immersion dans le personnage. Mais en fait, bah écoute, si on est là, c'est pour élargir nos horizons, quoi. Donc on va essayer de découvrir ce qui est véritablement une expérience exploratoire passionnante. Il y a des jeux comme par exemple Ce qui nous reste d'Adrien Toulon, ou encore. Alors, le jeu s'appelle Ce qu'il nous reste, et l'auteur c'est Adrien Toulon. Je viens de réaliser que ça faisait un peu bizarre. Et aussi le jeu Montségur 1944, dont j'ai oublié l'auteur. Dans ces deux jeux, en fait, en plus de ton personnage principal, t'as un deuxième personnage qui est un peu moins détaillé que le premier. Et en fait, ça te permet de participer à des scènes où ton personnage principal n'aurait pas vraiment sa place. Et tu peux du coup aussi servir de support émo-drama pour ton premier personnage, quoi. Alors, voilà, ça c'est le type de situation. Tu pourrais avoir envie de jouer au moins deux personnages. Alors, il y a un problème qu'on évoque souvent dans ces situations-là. Ça s'appelle le problème des chaussettes. Alors, je vais t'expliquer quoi avec ces chaussettes. Voilà, c'est quand on joue. En fait, quand tu joues plusieurs personnages, c'est un peu comme si tu avais deux marionnettes chaussettes, quoi. Et tu fais toi-même les dialogues, quoi. Luc, je suis ton père! Alors évidemment, là, tu comprends que je ne ressens pas moi-même la surprise que est censé ressentir Luc Chaussette et tout. Donc ça peut poser divers problèmes, effectivement, d'immersion, de surprise et tout. Mais heureusement, tu connais la maison et il y a des solutions, quoi. Donc, le truc, c'est que, en fait, ça supprime effectivement une partie de l'adversité, une partie de la surprise, vu que tu gères un personnage en plus du tir. C'est un peu comme s'il y avait un PNJ dont tu avais la responsabilité. Mais en fait, il y aura toujours de l'adversité et de la surprise par ailleurs, quoi. Donc, tu n'en perds pas tant que ça. À la limite, tu la dupliques. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'adversité qui va s'en prendre à ton deuxième personnage, de la surprise pour ton deuxième personnage et tout. Et puis, tu peux être surpris par rapport aux relations entre tes deux personnages, parce que tout n'est pas forcément paramétré par toi. Donc, je pense que tu as des espaces de surprise, il n'y a pas de souci. Un autre problème qu'on peut rencontrer quand on a deux personnages interprétés, c'est d'oublier un petit peu d'interpréter le second, quoi. Donc là, il y a des petits automatismes à mettre en place un peu pour se rappeler son existence. Par exemple, avoir une liste de questions orientées à son sujet qu'on va se poser régulièrement. Tu peux aussi simplement avoir des tours de jeu qui sont dédiés à ton deuxième personnage. Une autre option que je vois, en fait, c'est que ton deuxième personnage va être très lié à un autre PJ, va servir de support émo-drama à un autre PJ, il peut jouer son écuyer, son amoureux, enfin, ce que tu veux, quoi. Et du coup, il va être sollicité par l'autre PJ, donc du coup, très facilement, on va s'en souvenir, quoi. Et puis, ça lui donne vraiment un intérêt à ce deuxième personnage, quoi. Il y a un jeu qui s'appelle Ars Magica, où on joue carrément en fait toute la cohorte d'un magicien. Donc, on joue le magicien et puis tous ses servants, ses apprentis, ses gardes du corps et compagnie, quoi. Et là, ici, en fait, on peut dire que le vrai perso, ben, c'est le groupe, quoi. Alors, il y a certains jeux comme Microscope, Quiet Tear, Facette, qui est un jeu dont j'ai entendu parler, mais qui est en développement, l'Hôtel Péninsule Rose de Com Martin, qui devrait être édité dans pas très longtemps. Tout ça, c'est des jeux qui te proposent de jouer une fresque, et non seulement tu vas jouer du coup dans cette à l'intérieur de cette fresque, tu vas jouer plein de personnages, mais en fait, ces personnages, ils peuvent aussi passer d'une joueuse à l'autre, quoi. Donc on est globalement vraiment sur un jeu narratif, presque plus qu'un jeu de rôle, quoi. Mais bon, je pense que tu peux quand même entrer en bleed, en immersion dans ton personnage quand tu joues un personnage, parce que peut-être qu'il y a un de ces personnages auquel tu vas particulièrement t'attacher, ou peut-être que tout simplement tu vas cultiver ta capacité à te plonger à corps perdu dans une scène. Bon, j'ai la responsabilité de ce personnage pour cette scène, peut-être que je l'aurai plus jamais après, mais pendant cette scène, je suis à fond dedans, c'est mon perso, et voilà, je le joue totalement premier degré, donc voilà, je pense que des petits tips pour préserver l'immersion dans le personnage si c'est quelque chose que tu recherches. Hein. Si tu es totalement dans la narration, l'autorat, bon bah là, les personnages, c'est juste des jouets et puis c'est très bien, quoi. Voilà, donc c'était la fin de ce petit exposé. Et n'oublie pas, si tu veux constituer ton personnel MBA rôliste et voilà, disrupter le marché rôliste, la chaîne Outsider est faite pour toi. Donc alors, soutiens-moi, abonne-moi. Abonne-toi, voilà, abonne-toi sur la chaîne YouTube, abonne-toi sur Patreon pour avoir plein d'exclus, lis mon blog, abonne-toi à ma chaîne, et bien sûr, surtout, même, mets un commentaire pour que cette vidéo soit une véritable tribune. Et maintenant, je vais laisser la place pour une bande-annonce pour le sponsor de cette vidéo, le blockbuster Obelwick 4. Des Romains patrouillent dans la forêt. Là là là, oh, j'espère qu'on ne va pas tomber sur ces affreux Gaulois. Ouais. Imbécile, on fait une patrouille, c'est justement le but, c'est de tomber sur les affreux Gaulois. Quand soudain, il passe devant la niche d'Idéfix, le petit chien. Idéfix, n'écoutant que son courage, s'en prend aux Romains. Ah! Quelle affreuse créature! Yeah! Le Romain, n'écoutant que son courage, empale Idéfix sur la lance, on ne voit rien du tout. Yeah! Oui! Mais tu es fou! Tu es fou! Tu as tué le chien des Gaulois. Oui, bon, ils sauront pas que c'est nous. Fuyons, fuyons. Idéfix, où es-tu? Où es-tu? Viens, je vais te lancer un menhir et tu vas le rattraper. Idéfix? Idéfix? Idéfix! After falling into the magic cauldron. He became a kung fu freak of nature. Obelwick 4. La vengeance ne finit jamais. Ya! Ya! Flirt! Oh, c'est que fuyez, pas moi plus! Ya! Flirt! Le terrible camp fortifié, le petit bonhomme! Lancez le menhir! Yeah! Homme Elric fort, la vengeance ne finit jamais.